qu'il est obligé de se raconter des histoires. Alors, délire défense, délire défaite, c'est une vieille problématique classique. Bon, nous allons bavarder un petit peu ensemble, hein. Vous êtes un Il faut que vous mettez un malade pas mal sympathique. Bon, ceci dit, sympathique. Mais il faut que je vous dise, le rêve a des limites. Votre moi, il joue avec interne, sa mort, votre moi interne, au fond, secret, il risque beaucoup. De façon pathologique par un et monde marin. Écoutez, il vous faut des médicaments. Il vous faut du repos aussi. Nous allons prendre soin de vous.